Section 9, chapitre 16 et chapitre 17. Chapitre 16, Monsieur le peintre est découvert. Cette fois-ci, ce ne fut ni Jean ni Simon qui lui servirent son déjeuner. Simon était atterré de la hardiesse, de l'effronterie et de la fourberie de son cousin. Jean en était fort affligé et pour la première fois, il pleura. Monsieur Abel regardait les deux frères, Jean surtout, avec une compassion et un intérêt visible. Quand son déjeuner fut fini et desservi, il appela Simon. « Monsieur Abel, viens, mon pauvre Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Simon s'approcha. « Simon, tâche de distraire Jean du chagrin que lui donne l'indigne conduite de Jeannot. Et toi-même, mon brave garçon, j'ai une bonne nouvelle à t'apprendre. Tu plais beaucoup à monsieur et madame Amédée, et beaucoup aussi à mademoiselle Aimée. » Simon. « Oh, monsieur, c'est impossible. Un pauvre garçon comme moi. » Monsieur Abel, c'est pourtant vrai. Hier, toute la soirée, je me suis occupé de toi. Et ce que je te dis est positif. Les parents vous trouvent tous les deux un peu jeunes pour vous marier de suite, mais ils m'ont dit qu'ils te verraient avec plaisir venir chez eux le plus souvent possible. Simon, monsieur, je ne puis croire à un pareil bonheur, moi qui n'ai rien. Monsieur Abel, souriant, quant à la fortune, mon ami, on ne sait pas ce qui peut arriver. Tu peux avoir tes gages augmentés. Tu peux arriver à être premier garçon, ou surveillant, associé même. Simon, il faudrait pour cela, monsieur, que je fusse dans la maison depuis 10 ans, pour le moins. Monsieur Abel, on ne sait pas. On ne sait pas les idées qui passent par la tête d'un maître de café. Monsieur Métis n'est plus jeune. Il t'aime beaucoup. Il a grande confiance en toi. On aime à avoir un associé intelligent, honnête. Simon, mais ça ne suffit pas, monsieur. Il faut avoir de l'argent, de quoi faire un cautionnement. Monsieur Abel, qu'à cela ne tienne, mon ami. Je suis là pour t'épauler, pour te servir de caution, et je ne craindrai pas de perdre mon argent. Simon, oh, monsieur, serait-il possible? Simon resta les mains jointes devant monsieur Abel, ne sachant comment le remercier, n'osant pas se laisser aller à toute sa reconnaissance et à son bonheur. Le café était encore vide à cause de l'heure matinale. La dame du comptoir même n'était pas encore descendue. Monsieur Abel, d'ailleurs, mangeait dans un cabinet réservé aux privilégiés. Jean avait écouté et tout entendu. Il regardait monsieur Abel avec une expression toute particulière. Tout à coup, il s'avança vers lui, tomba à ses genoux, les lui baisa avec ardeur et s'écria « C'est vous ! C'est vous qui êtes monsieur le peintre ! C'est vous qui êtes notre bienfaiteur, le cœur d'or qu'aimait le mien ! Je vous devine, j'en suis sûr, c'est vous, oui, c'est vous. Oh, laissez-moi baiser vos mains et vos genoux, vous dire que je vous aime, combien je vous aime, combien je vous respecte, avec quelle tendresse je songe à vous, avec quel bonheur je vous retrouve. Cher, cher monsieur Abel, dites-moi votre nom, votre vrai nom, que je le grave dans mon cœur, dans mon esprit. Cher bienfaiteur, Simon sera heureux par vous. Que le bon Dieu vous bénisse, que le bon Dieu vous protège, que le bon Dieu vous récompense. » Et le pauvre Jean éclata en sanglots. Monsieur Abel, fort ému lui-même, le releva, le serra dans ses bras, baisa son front, ses joues baignées de larmes, et tendit la main à Simon, qui la serra dans les siennes, et cédant à un attrait irrésistible, la baisa en s'inclinant profondément. Monsieur Abel. « Allons, je suis découvert. Pas moyen de résister à la pénétration de mon bon petit Jean. Cher enfant, et toi, mon bon Simon, vous m'avez donné plus de bonheur que je ne pourrai jamais vous en rendre, en me découvrant les trésors de deux belles âmes bien chrétiennes, bien honnêtes. Depuis plus d'un an que je vous connais, j'ai passé quelques heures bien heureuses, dont je conserverai le souvenir. J'ai toujours vécu seul, orphelin dès mon enfance, élevé, ou plutôt tyrannisé par une tante méchante, sans foi et sans cœur, sachant par expérience combien les cœurs dévoués sont rares, ayant fait moi-même ma fortune avec le talent de peintre que le bon Dieu m'a donné, j'ai éprouvé à ma première rencontre avec toi, Jean, une impression qui ne s'est pas effacée. Tu étais bon, reconnaissant, affectionné. Je désirais te revoir. J'avais d'ailleurs à expier la frayeur et la peine que je t'avais causée en te dépouillant. Ta joie en me revoyant m'a touché, m'a attiré. Simon, que j'ai reconnu de suite à sa ressemblance avec toi, m'a paru digne d'être ton frère. Je me suis de plus en plus attaché à vous. J'ai voulu vous faire du bien sans me découvrir. Votre reconnaissance, à propos des habits neufs, m'a extrêmement touché et a augmenté mon amitié pour vous. Je n'ai pas de parents, Je n'ai ni femme ni enfant. Je suis seule dans ce monde. Je puis donc, sans faire de tort à personne, me donner le plaisir de vous faire du bien. Mais voici du monde qui arrive. Lève-toi, mon petit Jean, mon cher enfant. Nous nous voyons tous les jours. Simon, tu me tiendras au courant de tes affaires. » ajouta M. Abel en souriant et en lui serrant la main. « Si on te parle de ta fortune, sache que tu as déjà 3 000 francs placés en obligation de chemin de l'Est. » Simon. « Oh, monsieur !» M. Abel. « Chut, il y a du monde. À demain, mes enfants. Adieu, mon petit Jean. C'est bien toi qui es un cœur d'or. Silence. À demain, de bonne heure. » M. Abel sortit, presque aussi heureux que ses deux protégés. Quand la journée fut finie, Simon et Jean montèrent chez eux pour écrire à leur mère, mais non sans s'être bien embrassés et félicités. Ils prièrent ensemble le bon Dieu, ils le remercièrent et lui demandèrent de bénir leur bienfaiteur et de lui faire rencontrer un cœur qu'il aimât pour qu'il fût bien heureux. Puis ils se mirent à écrire chacun de son côté. Chapitre 17. Seconde visite à Kerentré. Depuis plus de 2 ans qu'Hélène Dutheil s'était séparée de son enfant, elle avait reçu bien régulièrement des nouvelles, tantôt de Jean, tantôt de Simon. Elle se réjouissait de les voir heureux, et elle recevait très souvent des sommes d'argent qui dépassaient ses espérances. C'était tantôt Jean, tantôt Simon, qui lui envoyaient 20 francs, quelquefois même 40 francs. L'aisance, le bien-être régnait dans son petit ménage. Le bon Kersac y était toujours pour quelque chose. Il avait tenu sa promesse. Il se passait rarement une quinzaine sans qu'il vînt lui faire une visite. Chaque fois, il apportait de quoi se contenter, disait-il. « Car, ma bonne dame Hélène, telle que vous me voyez, je suis diablement égoïste. Ainsi, l'autre jour, je vous ai apporté une couple de chaises. Aujourd'hui, ne voilà-t-il pas qu'il me faut un fauteuil ? J'en ai apporté un dans la carriole. « Vous ne m'en voulez pas, n'est-ce pas » ajouta-t-il, « de ce que je me soigne comme une petite maîtresse. Je deviens douillet en prenant des années. Mais vous êtes bonne et vous n'en penserez pas plus mal de moi, n'est-ce pas ?» Hélène, « mal ? Que je pense mal de vous ? Comme si je ne voyais pas pourquoi vous apportez tout cela. Cette table, c'est pour vous, n'est-ce pas ?» Kersac, « certainement, je déteste de manger sur le pouce. » Hélène, « et l'armoire, c'est pour vous encore ?» Kersac, l'armoire, c'est pour serrer les petites provisions que je vous apporte et que je viens manger chez vous. Je n'aime pas que les choses traînent. Ça me taquine, ça me gêne. Hélène, et le lit de la petite ? Kersac, le lit est pour savoir ma protégée bien couchée. Je n'aime pas avoir un lit brisé, malpropre. Hélène, et le linge, et la vaisselle, et le bois, et tant d'autres choses. Kersac, le linge, c'est pour avoir de quoi m'essuyer quand j'arrive chez vous tout en transpiration. La vaisselle, c'est pour manger dedans. Le bois, c'est pour mettre une bûche au feu sans me gêner quand j'arrive transi de froid. Enfin, écoutez donc, je suis comme ça, moi. J'aime mes aises. Ce ne serait pas bien à vous de prendre mauvaise opinion de moi parce que je suis un peu... Allons, il faut s'exécuter et lâcher le mot. Un peu égoïste. Hélène sourit. « Que le bon Dieu nous donne à tous des égoïstes de votre façon, monsieur Kersac. » Kersac, « et quelle nouvelle des enfants ?» Hélène, « très bonne, merci bien. Jean me parle de vous dans toutes ses lettres. Il dit toujours, en me parlant de ce bon monsieur Abel qui le fait penser à vous, qu'il est bon comme vous, obligeant et gai comme vous, et que comme vous, il ne peut souffrir le pauvre Jeannot. » Kersac, « ah ah ah, c'est bon ça. Eh bien, cela me donne bonne opinion de ce monsieur Abel. Ce Jeannot me déplaît plus que je ne puis dire. Je parie qu'il finira par filouter et par se faire pincer. Hélène, oh, monsieur Kersac, ne dites pas ça. Ce serait terrible. Pensez donc, l'enfant de ma sœur. Kersac, oui, mais le père était un gueux, un gredin. Excusez, ma bonne dame Hélène, je ne voulais pas vous peiner. Seulement, pour vous dire mon impression, ce garçon est jaloux de Jean. Il est envieux, ingrat. Paresseux, il n'aime personne. Pas comme notre petit Jean. Celui-là est tout l'opposé. Mais, ajouta-t-il en se levant, j'oublie que j'ai quelques provisions dans ma carriole. Si nous dînions, j'ai l'estomac creux, il me semble que j'avalerais un pain de 6 livres. Kersac et Hélène sortirent et allèrent sous le hangar où étaient le cheval et la carriole. Kersac donna à boire au cheval qui finissait son avoine, lui arrangea sa litière. Hélène lui apporta une botte de foin. Après quoi, Kersak se mit à décharger la carriole de ses provisions. Hélène reçut un bon gigot tout cuit, 3 livres de beurre, 1 kilo de sucre, 1 kilo de café tout brûlé et moulu, 1 kilo de chandelle, 1 gros fromage, 1 bouteille d'huile à manger et 1 autre de vinaigre, 1 paquet d'épiceries de toutes sortes. Et enfin, il retira un paquet qu'il semblait vouloir cacher. « Ceci, dit-il, ce n'est pas pour vous, ma bonne dame Hélène, c'est pour moi. » Hélène, « Ah, qu'est-ce que c'est, sans indiscrétion ?» Kersak, « Voilà, c'est qu'il faut encore m'accuser d'un vilain défaut, et ce n'est pas agréable. Et pourtant, il faut que je m'exécute, car tout de même, quand vous verriez la chose, vous devineriez bien mon défaut. Tel que vous me voyez, Hélène, je suis un peu coquet. J'aime à être bien tenu, bien peigné, bien attaché. Et chez vous, il n'y a pas de glace. Cela m'ennuie, parce qu'en arrivant, voyez-vous, le vent, la sueur, la poussière, tout ça vous ébouriffe, vous dérange. Avec ma glace, je verrai de suite si je suis présentable. Vous n'êtes pas fâché, n'est-ce pas ? Hélène ne répondit qu'en lui serrant les mains dans les siennes. Sa bouche resta muette, mais ses yeux exprimèrent sa reconnaissance. Elle rentra et se mit à ranger les provisions dans l'armoire que lui avait valu l'égoïsme de Kersak. Kersak. Un clou, s'il vous plaît, Hélène, pour attacher la glace. Où faut-il l'accrocher ? Hélène. Elle sera bien partout où vous la mettrez, monsieur Kersak. Voici un clou. En prenant le clou, Kersak s'aperçut qu'elle avait les yeux pleins de larmes. Kersak. Pourquoi pleurez-vous, Hélène ? Pourquoi ? Je veux que vous me le disiez. Hélène, souriant. Je pleure sur votre égoïsme. Je remercie le bon Dieu de vous avoir donné un si beau défaut. Et je le prie de vous en récompenser dans ce monde et dans l'autre. Kersak. Oh, dans ce monde, je n'y tiens guère. Dans l'autre, je ne dis pas. Et à mon tour, je prie le bon Dieu de vous y retrouver avec mon petit Jean après ma mort. Hélène. Merci, monsieur Kersak. C'est la meilleure prière que vous puissiez faire pour moi. Kersak. C'est qu'il y a longtemps que je vous connais. Hélène. Il y a plus de 2 ans. Kersak. Et la petite, où est-elle donc ? Hélène. Elle n'est pas encore revenue de l'école. Elle va venir dîner avec nous tout à l'heure. Kersak. Elle est gentille, cette petite. Je l'aime bien. Hélène. Elle vous aime bien aussi. Rien que d'entendre parler de vous, ses yeux brillent, sa bouche sourit. Kersak. Qui entend-elle parler de moi ? Personne ne me connaît ici. Hélène. Et moi donc ? Est-ce que je puis oublier notre bienfaiteur et le protecteur de mon petit Jean ? Tout ce qui est ici vous rappelle à notre souvenir. Tout vient de votre charité, de votre bonté. Kersak. Vous pouvez bien ajouter, et de mon amitié. Je me suis attachée à votre petit Jean que j'en suis quelquefois étonnée. De Jean, cet attachement a passé à vous, et ça me fait plaisir de venir vous voir et de vous aider un peu avec ce que j'ai de trop. Hélène. Je ne suis pas une ingrate, monsieur Kersak, croyez-le bien. Kersak. Je le sais bien, je le vois bien, et ça repose le cœur, voyez-vous, quand on n'a personne à aimer dans ce monde. Je veux dire des créatures humaines, car on a toujours le bon Dieu à aimer. Je dis donc que ça repose le cœur, quand on voit une bonne et honnête femme qui vous remercie du peu qu'on a fait pour elle, qui en est reconnaissante comme si c'était une belle et grande chose, et qui prie pour vous, qui pense à vous, qui vous aime. C'est une grande récompense, ma bonne Hélène, trop grande pour ce que je vaux. Et que vous écrit Jean dans sa dernière, ajouta-t-il après quelques instants. Hélène. Ils m'écrivent tous deux, monsieur Kersak. Monsieur Abel a été bien bon pour eux. En voilà un Corin qui est un vrai cœur d'or, comme dit mon petit Jean. Et Hélène raconta à Kersak tout ce que monsieur Abel avait fait et promis, et comment il avait assuré à Simon un excellent mariage. Kersak. Peste, il n'y va pas de main morte, ce bon Abel. Plaise à Dieu qu'il n'ait pas son Caïn. Il va falloir que vous alliez à la noce d'ici à 1 an ou 2. Hélène. Moi, monsieur, à une noce à Paris, qui ferais-je, mon Dieu, et quelle figure y apporterais-je ? Kersak. Il faudra bien que vous y alliez. La mère doit être présente, de par la loi. Hélène. La mère, mais pas la belle-mère, monsieur. Kersak. Comment la belle-mère ? Hélène. Oui, monsieur, je n'ai d'enfant que mon petit Jean. Quand j'ai épousé mon mari, Simon avait déjà près de 9 ans. Kersak. En voilà-t-il une belle découverte ? Quel âge avez-vous donc ? Hélène. J'ai 33 ans, monsieur. Jean a 16 ans et demi. Je me suis mariée à 17 ans. Kersac. C'est donc ça que je me disais toujours, cette femme est diantrement bien conservée. Qui croirait qu'elle a un grand garçon de 24 ans? Ah, mais ce que vous me dites là me fait plaisir. Voici pourquoi. Je suis garçon, vous savez, j'ai besoin d'une femme à la ferme, une femme qui fasse marcher le ménage, qui fasse la cuisine, qui fasse enfin ce que fait une fermière. J'ai eu du malheur jusqu'ici. Je ne peux pas tomber sur une femme honnête, active, intelligente, qui prenne mes intérêts, qui sache mener une ferme. J'avais bien pensé à vous, mais je me disais, elle a un grand garçon de 24 ans, elle a pour le moins 41 ans à 42 ans, c'est trop âgé pour commencer. Et voilà que vous en avez 33. Mais c'est superbe! Tiens, c'est le bon Dieu qui exauce votre prière. Vous lui demandez de me donner du bonheur dans ce monde, et le voilà qui vient, le bonheur. Suis-je donc heureux? Je ne vais plus avoir à me méfier, à surveiller, à gronder. Tout ira comme sur des roulettes, et quand je serai malade, vous me soignerez. Quand je serai absent, vous prendrez la direction de tout. Mais, monsieur, dit Hélène en riant, vous arrangez tout ça sans savoir si je puis faire l'affaire, si je connais le travail d'une ferme, si je sais traire une vache, élever des volailles. Une femme de ferme doit savoir tout cela à fond. Kersac s'arrêta, consterné. C'est vrai pourtant. Et vous ne savez pas? Dites vite, ajouta-t-il avec vivacité, voyant qu'elle hésitait. Hélène. Si fait, monsieur, je sais. Je suis fille de fermier. J'ai travaillé à la ferme depuis que je me souviens de moi-même. Je n'ai quitté qu'à la mort de mon père et de mon mari. Kersac. Alors pourquoi, diable, m'effrayez-vous? Je ne vous demande pas si vous voulez, puisque vous pouvez. Du moment qu'il s'agit de me rendre service, vous n'hésiterez pas, j'en suis sûre. Quand faut-il vous envoyer une charrette pour déménager? Hélène. Quand vous voudrez, monsieur. Rien ne me retient ici. Vous avez pensé juste, en étant si sûre de mon consentement. Tout ce que je pourrais faire pour vous, je le ferai avec bonheur, en remerciant le bon Dieu de m'offrir les moyens de vous témoigner ma reconnaissance. Kersac. La semaine prochaine, alors. Nous sommes à jeudi aujourd'hui. Lundi prochain, vous déménagez. Hélène. Je serai prête, monsieur. Kersac. Bien, tout est convenu, je suis content. Je ne vous parle pas de gage. Il vous passera assez d'argent dans les mains, plus que vous n'en pourriez dépenser. Vous prendrez ce qu'il vous faudra, ce que vous voudrez. Je n'ai pas besoin de vous fixer la somme, et je ne crains pas que vous en preniez trop. Hélène. Et la petite Marie, monsieur, qu'en ferons-nous? Kersac. Marie viendra avec nous. Hélène. Ce sera peut-être un embarras pour vous, monsieur. Kersac. Embarras? Pas le moindre. Quand elle aura 21 ans, je l'adopterai et je la marierai à mon petit Jean. J'ai déjà fait mon plan. Allez, vous savez, je suis égoïste. J'arrange ma vie pour moi-même. Hélène. Et sans oublier les autres, monsieur. Mon Dieu, que c'est donc beau et bon d'être égoïste au point où vous l'êtes. Kersac. Mais oui, vous voyez, on se fait une bonne petite vie, on se fait des amis. Hélène. Bien dévouée et bien reconnaissant, monsieur. Kersac, souriant. Toujours. Les amis sont toujours dévoués et reconnaissants. Sans cela, ce ne sont plus des amis. Et le dîner que nous oublions, Marie va rentrer, et si je n'ai pas quelque chose à mettre dans mon pauvre estomac, je la mange à la croque au sel. Hélène remit du bois dans le feu, tira de l'armoire aux provisions de quoi faire une omelette et de quoi assaisonner une salade. Quand les œufs furent battus et prêts à mettre sur le feu, Kersac lui offrit de tenir la poêle pendant qu'elle mettrait le couvert. Ce fut bientôt fait, et au moment où Hélène versait l'omelette dans une assiette, la petite Marie arriva, rouge et joyeuse. Elle courut à Kersac, qui l'embrassa sur les deux joues. Elle lui rendit ses baisers en disant « J'étais bien des jours sans vous voir, mon bon ami. Pourquoi êtes-vous resté si longtemps sans venir ?» Kersac. « Parce que c'est le temps de la moisson, ma petite Marie, et que dans ces moments-là, hommes et chevaux ont bien à faire. » Marie. « Mais vous, bon ami, vous ne travaillez pas ?» Kersac. « Tout comme les autres, et plus que les autres. Pendant qu'ils se reposent, je vais voir de tous côtés si chacun est à son affaire, si l'ouvrage se fait comme il faut. Je suis le premier levé et le dernier couché. » Marie. « Mais c'est très fatigant, cela. » Kersac. « Sans doute, c'est fatigant. Mais tant qu'on vit dans ce monde, il faut se fatiguer pour faire son devoir. » Marie. « Et si l'on ne veut pas se fatiguer ?» Kersac. « Si on ne veut pas se fatiguer, on est un lâche et un méchant, parce qu'on offense le bon Dieu. On mécontente les hommes et on est puni dans ce monde et dans l'autre monde. » Marie. « Comment est-on puni ?» Kersac. « Dans ce monde, personne ne vous aime, ne vous estime et ne veut de vous. On ne gagne plus rien et on devient misérable. Et dans l'autre monde, Le bon Dieu vous renvoie au diable, qui est très méchant, et qui vous rend malheureux, mais malheureux comme tu ne peux pas te figurer. » Marie. « Comme vous faites bien alors de vous fatiguer, bon ami, mais tâchez de vous fatiguer beaucoup, assez pour que le bon Dieu soit content, et qu'il ne vous envoie pas à ce méchant diable. » Kersac. « Oh, je me fatigue assez, sois tranquille. » Hélène. « Monsieur Kersac, Marie va croire qu'il suffit de se fatiguer pour contenter le bon Dieu. Il faut d'autres choses encore. » Kersac. « Comment donc ? Certainement. Écoute, Marie, il faut aussi beaucoup aimer le bon Dieu. » Marie. « Je l'aime bien aussi, mais je ne le vois pas. Alors je ne peux pas l'aimer comme ceux que je connais. » Kersac. « Si fait, tu le connais. Tu sais que c'est le bon Dieu qui t'a créé, qui te donne tout ce que tu as. » Marie. « Je le sais bien, mais je ne vois pas les choses qu'il me donne. Pas comme vous, qui me soignez et qui me donnez beaucoup de choses que je vois. Aussi je vous aime de tout mon cœur. » Kersac. « Dites donc, Hélène, entendez-vous ce qu'elle dit ? Je crains qu'elle ne soit plus forte que moi. Je suis à bout de raisonnement. Faites-lui comprendre que je ne vaux pas le bon Dieu. » Hélène. « Marie, c'est le bon Dieu qui m'a fait venir à ton secours quand ta bonne t'a abandonnée. C'est le bon Dieu qui te fait vivre, qui a permis que le bon monsieur Kersac te connaisse et t'aime. C'est le bon Dieu qui te garde et te protège jour et nuit. Il t'aime. Il veut que tu sois heureuse toujours. Tu vois bien que tu dois l'aimer plus que tout le monde. » Marie. « C'est vrai, mère, c'est vrai. Je l'aime, et je l'aimerai plus encore, je vous le promets. » Kersac, riant. « Et moi, Marie, comment m'aimeras-tu assez pour m'empêcher d'être jaloux ?» Marie. « Vous ? Oh, vous savez bien que je vous aime bien, que je vous aimerai toujours. » Elle l'embrasse et lui dit à l'oreille, « Plus que tout le monde, vous comprenez. Et puis c'est vilain d'être jaloux, et vous ne ferez jamais rien de vilain. » Le dîner était prêt, ils se mirent à table. Kersac rit longtemps de la promesse de sa fille adoptive et mangea comme un homme qui vient de faire 7 lieues et qui est encore à jeun à 1 heure de l'après-midi. Marie dévorait, le gigot était cuit à point, l'omelette était excellente, la salade était bien assaisonnée, le beurre était frais, le pain était tendre, les convives étaient heureux. Kersac était particulièrement enchanté de s'être assuré une femme sûre et intelligente à sa ferme et de trouver en elle et en la petite Marie une société et une distraction agréables. Quand Marie sut qu'elle allait demeurer à la ferme de Kersac, elle ne se posséda pas de joie. « Partons tout de suite, mon bon ami, emmenez-nous tout de suite » répétait-elle avec instance. « Hélène, c'est impossible, Marie. Il me faut le temps de payer les petites choses que je dois, de faire mes adieux à monsieur le curé, à ma sœur Marine, de ranger mes effets. Car, dit-elle en souriant et se tournant vers Kersac, « j'ai des effets maintenant, et je ne veux rien laisser de ce que vous m'avez donné, monsieur Kersac. » Kersac. « Vous emporterez tout ce que vous voudrez, Hélène. Je vous enverrai ma plus grande charrette. » Hélène. « Merci, monsieur. Je laisserai la maison à ma sœur, qui n'aura plus de loyer à payer de cette façon. » Kersac avait fini de dîner. Il se leva pour aller atteler son cheval. Hélène l'accompagna, et il partit en répétant « à lundi !» Fin de la section 9.